Je suis le meilleur joueur de la saison. Je rentrais pas à la maison. Je suis le meilleur joueur de la saison. Je repense à mes anciens potes, j'ai le blues. Pas d'argent, je rentrais pas à la maison. C'est pas le rap qui m'emmènera à la mettre. Je suis trop profond pour cette merde. J'ai pas réussi à tuer Moussa. Je suis dans la ville pour faire partir tout ça. 200K, je te nique ta mère. Je lui laisse une solia dans la bouche. Si j'en sente le rap, combien de fils de pute elle accouche. Jour 200K, je te nique ta mère, je lui laisse une solia dans la bouche. Si j'en sente le rap, combien de fils de pute elle accouche. Mon frère, tu me manques, on était ensemble dans les tranchées. Des fois je me demande comment t'es devenu un étranger. Des fois je me demande combien d'euros pourrait me ranger. Mon frère, tu me manques, on était ensemble dans les tranchées. J'étais dans le trou, je crois que tu t'en rappelles pas. Marcel pas. Essaye pas de me comprendre car moi-même je sais pas. À part la haine, moi j'ai rien à donner. À part la haine, moi j'ai rien à donner. La misère c'est ma pute, tu la connais. Elle veut prendre mon âme, je lui dis non, non, non, non, non. Je suis pas le nègre idéal, je sais. Je vais serre, j'ai pas fait HEC. Tes parquets ils veulent t'achever. T'as le profil ils veulent t'acheter. J'ai accumulé millions de péchés. En plus je sais pas comment me racheter. MJ Moussa t'es bizarre. Je l'achète avec Mastercard ou Visa. Ballant dans les profondeurs abyssales. Y'a que sur les instrus que je vide mon que ça. Mon frère tu me manques, on était ensemble dans les tranchées. Des fois je me demande comment t'es devenu un étranger. Des fois je me demande combien d'euros pourrait me ranger. Mon frère tu me manques, on était ensemble dans les tranchées. M'appelle pas. J'étais dans le trou, je crois que tu t'en rappelles pas. Car moi-même je sais pas. Car moi-même je sais pas.